Thibaut, tu es allé t'inscrire sur les listes électorales cette semaine, non ? Et oui, effectivement, parce que cette semaine, j'ai regardé les émissions politiques. Hein, parce que ça y est, le marathon des politiciens, c'est parti. Bon, il va durer 8 mois, hein, le marathon. Mais vous inquiétez pas, ils ont du souffle. Et pendant 8 mois, tous, sans exception, vont nous dire « Si je suis élu, il n'y aura plus de chômage. Si je suis élu, il n'y aura plus la crise. Si je suis élu, tout ira bien. » Bon, ça serait pas mal qu'à un moment, il y en a un qui nous dise « Eh les mecs, moi, si je suis élu, ça va être le bordel !» Et déjà que chez moi, je perds les télécommandes des télés. Et en même temps, on se dirait sûrement « Tiens, celui-là, il se fout pas de notre gueule. » Et dans ces émissions, lorsque les politiciens sont embarrassés, ils notent toujours le poisson en parlant de leur région. Quand le journaliste leur dit « Monsieur Guignol, j'aimerais qu'on parle des 5 millions d'euros que vous avez détournés et mis au Panama, ainsi que des 15 000 électeurs qui ont voté pour vous alors qu'ils étaient décédés depuis 1982. » Et là, le politique va nous dire « Je m'attendais à cette question, je vais y répondre, hein, car il faut dire la vérité aux Français. » Comme j'ai répondu le mois dernier à Vazeux-le-Pont, très belle ville, hein, très belle ville qui se trouve dans la région de l'Avérol, très belle région, hein, dont je suis le président. Il faut visiter, hein, le musée de la céramique. Hein. Il y a également au mois d'août un festival, le festival du cuivre en plastique, très rare. Et j'invite tous vos téléspectateurs à visiter le site maregionquejaime.com. Hein, ils pourront bénéficier de la gratuité de la région. Parce que oui, je suis pour la gratuité de la culture, du sport. Ainsi que, alors là, le mec, il est parti. T'as mis 40 km dans le vent. Hein. Et je sais pas si c'est qu'en France que ça se passe comme ça, mais ça fait 30 ans qu'on voit les mêmes. Sarkozy se représente. Il y a Le Pen. Ça fait 40 ans qu'il y a un Le Pen au présidentiel. Abattez-les. Alain Juppé veut se... Oh. Pardon. Alain Juppé, j'ai envie de dire Marty, nous sommes revenus en 1995. Parti comme c'est parti, moi je vote Giscard, hein. Oh putain, René Coty. C'est un Auvergnat. Oui, c'est pour ça. Oui. Et comme il y a des fans de Madonna ou de Lionel Messi, il y a des fans de politique. Ils ont le t-shirt, la casquette, les drapeaux, l'écharpe du politique, des vrais groupies qui eux ne font pas la tournée des zéniths mais la tournée des meetings. Ils reviennent d'un meeting et ils en parlent comme toi, tu parlerais d'un vrai spectacle, toi. Et ils sont là, quand il a parlé de la politique internationale. Alors j'ai eu des frissons, hein. Et en rappel, on a chanté la Marseillaise. Oh, j'y retournerai. Mais les pires se passent là. Non, les pires, c'est ceux qui te font la leçon sur Facebook. Tu sais, ils lancent des débats pour te montrer que eux, ils votent bien. Hein. À quel moment on lui dit, mec, on s'en fout de tes opinions politiques. Hein. Et je vais même te dire mieux, on s'en débat les couilles. Oh, joli. Avec des petits jeux de mots, tout ça. Oh, si.